Vous écoutez toujours Futur Simple et toujours sur CKRL 89.1 bien sûr. Alors la semaine dernière, la veille de l'émission, je suis allée à la brasserie La Korrigane pour prendre une bière, mais aussi parce qu'il y avait un bar des sciences sur les médecines alternatives, un groupe très large de médecine, aussi appelé naturelle ou douce ou complémentaire, qui existe en marge de la médecine moderne. Et Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, était là aussi et il nous propose cette semaine une thérapie issue de ce mouvement et dont les pouvoirs allégués sont pour le moins surprenants. On parle de traitement de l'acné, de la perte de cheveux, d'infections diverses, des verrues, de l'asthme, des migraines et même de prévention du cancer. Alors bonjour Jean-Daniel, il est aujourd'hui avec nous au téléphone, il n'est pas avec nos studios mais il est au téléphone. Bonjour Jean-Daniel. Oui, bonjour Valérie, ça va bien? Oui, alors qu'est-ce que c'est que cette cure mystérieuse qui permettrait de soigner l'asthme, les migraines, etc.? Oui, eh bien, tiens-toi bien, Valérie, on parle ici d'urinothérapie qui consiste, pour les gens qui sont encore en train de souper à la maison, eh bien, à boire de son urine. Et je vous avertis tout de suite, ce n'est pas un poisson d'avril. Tu fais bien de le dire. C'est bel et bien une pratique qui compterait, des millions d'adeptes, principalement en Inde et au Japon, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. D'ailleurs, en novembre dernier, il y a eu lieu à San Diego la 6e conférence mondiale sur l'urinothérapie auquel auraient participé, entre autres, des médecins de partout dans le monde. Ouais, non, c'est vraiment très sérieux. Oui, c'est très sérieux et très intriguant. Puis, je suis pas sûr de vouloir le savoir, mais au fond, ça fonctionne comment, cette thérapie? Mais on a plusieurs options. Donc, on peut soit boire directement l'urine ou encore se gargariser avec. On peut aussi l'utiliser sous forme de gouttes pour les yeux ou pour les oreilles. Ah oui. Donc, les adeptes de l'urinothérapie croient fermement aux propriétés curatives de l'urine. D'ailleurs, je parlais de vin tout à l'heure, mais il y a l'ex-premier ministre indien Morarji Desai qui en était un fervent adepte. D'ailleurs, en 1978, il aurait proposé lui-même l'Amaroli, le nom indien pour l'urinothérapie, comme solution aux millions d'Indiens qui n'avaient pas accès à ce moment-là à des traitements médicaux. Ouais. Une proposition un peu étrange, on en conviendra, mais dans son cas, ça semble à tout le moins lui avoir servi. Il a vécu, Monsieur Desai, jusqu'à 99 ans quand même. Ben, disons que c'est peut-être pas grâce à ça non plus, là. Certains diront que c'est malgré ça, mais bon. L'histoire ne le dit pas. Mais dis-moi, ça vient d'où, cette idée quand même assez étrange, là? C'est pas vraiment intuitif de boire son urine? Non, absolument pas. Mais pourtant, c'est une idée qui date d'assez longtemps. Donc, les premiers urophages, le nom des gens qui boivent de l'urine, sera apparu en Inde, justement, et qui aurait été une des premières régions à voir apparaître ce traitement-là il y a environ 5000 ans. Mais il y a aussi des textes égyptiens et chinois qui rapportent des pratiques similaires. Il y a même des adeptes qui clament que la Bible le conseillerait dans un passage où il est écrit, et là je cite la Bible, bois l'eau de ta propre citerne. Et certains interprètent ça comme boire l'eau de son urine. Oui. Mais est-ce que ça marche vraiment? J'ai posé la question, Valérie, à un spécialiste de la question, M. Ariel Fenster, qui est chimiste et professeur, membre de l'Office for Science and Society de l'Université McGill. Alors, je vous rassure tout de suite, M. Fenster n'est pas un adepte de l'urinothérapie, mais il présente par contre régulièrement des conférences sur les médecines alternatives. Il a donc étudié le sujet en profondeur et on écoute sa réponse. Est-ce que ça fonctionne, l'urinothérapie? Est-ce qu'on a des preuves de ça, en fait? Non, justement, il n'y a aucune preuve que c'est effectif, efficace. Et d'ailleurs, l'American Cancer Society indique clairement qu'il n'y a aucune indication que ça pourrait aider en quoi que ce soit. Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y aurait des contre-indications à utiliser l'urinothérapie? Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser l'urinothérapie? En petite quantité, je sais pas combien, ceux qui y croient, je sais pas combien ils boivent. En petite quantité, c'est certain que ça ne devrait pas présenter de problème parce qu'en fin de compte, notre corps, notre foie est capable de filtrer les produits potentiellement toxiques. Ce qui se passe avec l'urinothérapie, bien sûr, ce qu'on retrouve dans l'urine, c'est les produits qui ont été rejetés par le corps humain. Donc, en fin de compte, c'est pas ce lait que, dont le corps a vraiment besoin. C'est pour ça que je trouve que le, mm-hmm. le principe est, scientifiquement est assez, assez curieux. C'est qu'en fin de compte, on réinjecte ce que le corps a rejeté. Il y a d'autres usages aussi de l'urine. Je pense que pour ce qui est d'une urinothérapie, il semble pas vraiment y avoir de... En fait, il n'y a aucune preuve que ça puisse fonctionner. Les bases scientifiques pour le principe sont un peu faibles, pour le moins. Mais il y a quand même... ça servit à autre chose. Moi, j'ai entendu dire qu'au Québec, dans l'ancien temps, si on avait des gerçures, on fallait, par exemple sur les mains, il fallait uriner sur les mains. Et c'est pas, il y a un grain de vérité là-dedans, c'est qu'en fin de compte, l'urine contient de l'urée. Et l'urée, en fin de compte, a des effets émollients et ça pourrait être utile, ça pourrait expliquer pourquoi c'est utile. Et si on regarde, il y a beaucoup de crèmes et de lotions qui justement contiennent de l'urée. Donc, il y a peut-être ce côté-là qui serait positif. Mais il y a un cas intéressant où l'urine a été utilisée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du premier essai de la pénicilline. Non. Ok. Ce qui s'était passé, c'est que la pénicilline, quand elle a été synthétisée en 1941, elle a été synthétisée en très petite quantité. Et la première personne qui a été traitée avec de la pénicilline, c'était un policier britannique, un Bobby, qui avait développé un empoisonnement du sang. Alors qu'il s'était coupé en se rasant le matin. Et il était à l'article de la mort, et on lui a injecté de la pénicilline, et tout de suite, il s'est senti mieux. Son état s'est aggravé, on a réinjecté de la pénicilline, il s'est senti mieux, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, il n'y avait plus de pénicilline. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'en fin de compte, ils ont isolé la pénicilline qui avait été éliminée par ou une partie de la pénicilline avait été éliminée dans son urine. Donc ils ont pris son urine, ils ont purifié, ils ont isolé la pénicilline et ils l'ont réinjecté là-dedans. Malheureusement, éventuellement, ça s'est épuisé. Malheureusement, il est mort. Mais ça a été une des indications de réutiliser de l'urine. Enfin, ce qu'il y avait dans l'urine était bénéfique. Donc finalement, Jean-Daniel, si je comprends bien, c'est pas une si bonne idée que ça de boire l'urine, vu que dans l'urine, il y a finalement ce que notre corps a rejeté. Effectivement, t'as absolument raison, Valérie. Bon, d'abord, ça semble pas particulièrement dangereux de boire l'urine. C'est stérile et on y retrouve des nutriments, mais comme tu l'as bien mentionné, c'est des nutriments dont on n'avait plus besoin. Mm-hmm. Et surtout, ben, en fait, c'est carrément repoussant l'urine à cause de sa mauvaise odeur, mm-hmm. qui vient évidemment de l'urée, la molécule qui est caractéristique de l'urine. L'urée est produite à partir de composés azotés toxiques, dont l'ammoniac, que les gens connaissent peut-être pour sa présence dans le Windex, entre autres. Et ces produits-là vont venir de la dégradation des protéines du corps. Et tous ces produits toxiques-là, azotés, qui sont produits, vont être transformés dans le foie en urée, qui, lui, est moins dangereux, mm-hmm. mais malheureusement, qui est particulièrement ouais. mm-hmm. odorant. Mais ces protéines de l'urine peuvent quand même être intéressantes ailleurs qu'en urinothérapie. Le professeur Fenster le mentionnait aussi. Oui, absolument. Il y a entre autres, on mentionnait dans le reportage, les compresses à base ouais, d'urine font partie de la médecine populaire de plusieurs cultures d'ailleurs, et sont notamment utilisées dans le traitement des gerçures causées par le foie à cause du potentiel hydratant mm-hmm. De l'urée notamment. Mais il y a aussi plusieurs exemples de pigments colorés qui ont été dans l'histoire produits ou fixés grâce à l'urine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'extérieur du corps, l'urine peut se retransformer en ammoniac mm-hmm. qui est toxique, mais qui peut être aussi réactif et qui, lui, va être utilisé dans la fabrication de pigments. Mm. Je parie. On a, par exemple, ouais. par le passé, utilisé directement l'urine comme colorant jaune, ouais, par exemple. Ça. Je ne sais pas si tu connais, Valérie, le jaune indien. Mm-hmm, non. Qui aurait été concentré à partir, écoute bien, de l'évaporation de l'urine de vache nourrie avec des feuilles de manguier, la mangue qui est jaune, et de l'eau. Et puis, on a extrait, après ça, on a concentré tout cette urine-là pour obtenir, selon les légendes indiennes, le colorant jaune pour les peintures, par exemple. Intéressant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des usages sérieux de l'usine, de l'urine, pardon? Ben oui, bien, on ne peut pas passer à côté de l'urine dans les tests antidopage. Hein, il y a eu les Olympiques récemment. Donc, on peut détecter la présence de composés chimiques anormaux dans l'urine des athlètes. Et d'ailleurs, cette façon de faire-là a inspiré une nouvelle science. Donc, toutes ces compétences techniques-là qu'on a développées dans les tests antidopage permettent aujourd'hui de travailler dans ce qu'on appelle la métabolomique. La métabolomique, tu peux nous dire ce que c'est, ça? Oui, mais la métabolomique, c'est un nom bien compliqué pour en fait une science qui étudie spécifiquement de façon très, très systématique tous les métabolites, donc les produits qui vont être relâchés par le corps, si on veut. Valérie, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, tout ce qu'on ingère est transformé dans le corps et doit ressortir à un moment ou à un autre. Donc, notre urine va contenir la signature chimique des réactions qui se passent dans notre corps. Et quand on est malade, ben cette signature-là va être déréglée. Donc, on peut la détecter, cette signature déréglée-là, grâce aux appareils de la chimie moderne. Ah oui, et donc la même chose, quand on prend des molécules un peu étranges, dans le cas du dopage, ça dérègle aussi la signature et on est capable de les détecter? Absolument, c'est exactement le même principe. Eh bien, qui l'eût cru que l'urine, finalement, un déchet produit par notre corps, pourrait être aussi utile? Il y a quand même une certaine utilité de ce que j'en vois. Absolument, étrangement, oui, il y a une utilité à l'urine. Merci beaucoup, Jean-Daniel. De rien, Valérie.